this game. Why, baby, why don't you just go away? Baby, baby, I know that you're treating me bad. Ça ne te change pas. C'est pourquoi j'ai pris la station wagon, juste au cas. Mais allons, fais un effort, bébé. Julia adorerait te voir et les enfants sont toujours ravis quand tu viens les chercher. Tony rentre avec toi et Odessa avec moi, et tu le sais, ça leur donne l'impression d'avoir chacun de vrais secrets d'adultes bien à eux. Elle rirait. Too much care. I might have it too. Merci. En fait, Odessa préférait rentrer avec toi, mais Tony grandit beaucoup en ce moment et il ne veut rien avoir à faire avec les filles, ni sa maman, et certainement pas sa sœur. Oh. pleasant comfort. Pleasure's pleasing to accept, distress needs learning. And the idea of education, when devised with this in mind, it makes the untold easier to swallow. And the idea of tradition, when devised with this in mind, it makes their thought laws easier to follow. So surround the pupils with your folklore. This requires no groundwork by the students. Injections of learning support the fascist mysticism, which balances the principle of pleasure with one of achievement. This achievement can be faded out in the long term, to leave them helplessly in place and wanting money, needing exchange. We can watch cash's effect, but downstairs are the causes. The causes are true realism, and this is a problem. Money can master causes, which in turn could kill cash. We try to make a pleasurable living, but it's master of death before birth, and back to square one. Across all the glasses, cigarette traces, a bladder of smoke. Over the clean air through which it trespasses, he glances up, his eyes meet those of a man with a full glass and tattoos on his hands. His eyes drop down to break the man's gaze, and he slumps back in to his laudanum. Pool of blood, and with a grimace he stood to Tony a 15 ans. Je n'ai absolument pas l'impression qu'il sera jamais costaud comme Ruth. Mais Ruth dit que si. Ruth n'est pas grosse, elle a une solide charpente. Elle dit qu'à l'âge de Tony, elle était bien pire que lui et qu'elle n'avait que la peau sur les os. Pour l'instant, Tony ressemble à un mécano en pièces détachées. Il pourra devenir un train ou une gare ou un gratte-ciel ou un camion ou un tracteur ou une pelleteuse à vapeur. Tout dépend de la main qu'il montera. La guerre que se font les chevilles du pauvre gamin les a mis à vif, et de temps à autre, les chevilles paraissent attaquer les genoux, qui sont dans un état lamentable. Les jointures, les poignets, les coudes et les omoplates de Tony sont tout bonnement un immense champ magnétique pour les plus brutaux de tous les objets inanimés de ce monde. J'ai vu des tables et des pieds de table se jeter sur lui, les fenêtres ouvertes, quand il les touche, se font guillotine. Les seuils de porte se marquent quand il le voit arriver, les escaliers le guettent avec une folle impatience. Je souffre pour cet enfant dès que je le vois bouger. Il n'a pas de chair sur les fesses non plus. En fait, il n'a pas de derrière du tout et les planchers, surtout les vues avec des échardes, refusent de lui foutre la paix. We'll be right back. je t'écrive un poème. Je suis pas une bière potion. Pourtant, il peut danser. Très très bien, je trouve. C'est drôle de voir toute cette gaucherie transformée, transcendée au-delà des eaux par quelque chose que mon fils entend dans la musique. Il a d'énormes yeux noirs, comme son oncle Arthur, et des cheveux de quelque part entre l'Afrique du Mississippi, d'où vient Rose, et l'Afrique, teintée d'Inde, de la Californie d'où je viens. Il ressemble plus à sa mère qu'à son père. Il a les pommettes hautes de Rose et sa grande bouche, mais il a mes narines et mon menton. You J'ai le sentiment dérangeant d'être probablement un mauvais père. Mon fils est fait de vif argent, pas moi pas. Mais j'espère que ce n'est pas l'avis de Tony. Je ne sais pas si mon fils m'aime, on a toujours l'impression d'avoir commis de très grosses erreurs. Mais je sais que j'aime mon fils. Je le sais un peu parce que j'aimais mon père. Je sais que deux choses n'ont pas nécessairement de rapport. Je me suis efforcé d'être un bon fils, mais je ne sais pas. Mon père avait été formé dans un monde que je n'ai jamais vraiment connu. Je me suis efforcé d'être un bon frère pour mon frère aussi, mais je ne sais pas. Arthur vivait dans un monde dont je n'ai eu que de brefs aperçus, parfois à travers lui. Je n'en ai jamais vraiment bavé dans ce monde-là, pas comme il l'a fait lui. Mais je ne suis pas davantage certain que les gens qui vivent dans le monde d'Arthur aient été très bons pour lui. J'ai toujours senti qu'il y avait en Arthur quelque chose qui les effrayait. Trying to win. lost in the dark. She lets herself go. She's finally free. No one can see, and no one will know. And now while outside her room, he wants that she'll be out soon. But if he only knew what it was doing to her, I wish if he only knew what it was doing to her. There in the dark, in a Tony n'est pas non plus très gentil pour sa sœur, autant que je puisse juger. Odessa a 13 ans. Tony et elle ne s'accordent sur rien, sauf sur le fait que le sexe de l'autre est détestable. Si on peut appeler ça s'accorder. Odessa, je vais te tuer! Et j'ai un jour entendu Tony hurler dans la cuisine, pendant que Ruth et moi nous trouvions dans le salon. J'ai levé la tête. Ruth m'a regardé. Elle a crié. Si vous ne sortez pas de cette cuisine tous les deux, je vais venir vous faire la peau illico et j'ai le couteau à découper. Maintenant, venez ici. Si vous ne pouvez pas vous tenir tranquille, allez vous coucher, Seigneur Dieu. Et elle s'est replongée dans son bouquin. Thank you. Mais parfois, ils semblent s'entendre parfaitement, surtout quand ils sont tous deux furieux contre nous. Odessa sera très belle. J'en ai toujours été convaincu, alors que je n'ai jamais très bien su à quoi ressemblerait mon fils. Pour moi, mon fils tient davantage de sa mère. Odessa ne tient vraiment de personne. Enfin, peut-être de ma mère, un tout petit peu. Mes ancêtres indiens ont gracieusement dessiné le nez d'Odessa et taillé légèrement ses yeux en amande. On peut dire qu'elle a mon front. Et je suis plus grand que Rose, mais pas aussi costaud. Les gens me prennent probablement pour un agréable gandin à la peau brun foncé, bâti un peu léger et commençant tout juste à prendre du poids. Odessa sera très belle et grande comme moi. Comme je l'ai déjà dit, j'ai 48 ans. Rose en a 42. Nous nous sommes mariés quand elle en avait 27 et qu'elle était enceinte de Tony. J'avais alors 32. Cette chanson s'appelle Télévision. then to the vaults. Actually, there are two alarm systems in the bank, one to their security company and one to the nearest police station. There are at least a dozen push buttons in the building. If one of them is pressed, signals go out, steel shutters come down and block every exit, and at the same time, an alarm starts ringing on the roof. And what do I do about that? You will prevent it from happening. Thus, when we move in, we move against a target that is both surprised and defenseless. C'est le premier engagement que j'ai jamais pris en dehors de mon engagement à l'égard d'Arthur, et cet engagement n'a été rendu possible que parce que m'aimant, elle savait combien j'aimais mon frère, et m'aimant, elle aimait Arthur aussi. Simplement, c'est bon, connard. Le temps de s'en finir tout ce bordel de merde ici. Enculé, Yvan. À présent, ni réveillé, ni endormi, j'écoutais tandis qu'elle terminait sa toilette. Ni réveillé, ni endormi, je savais qu'elle était en train de s'habiller. Yeah, yeah. wszechświat się zmienia. We wszechświat się zmienia. We wszechświat się zmienia. Une assez vieille maison de pierre à la limite du Bronx près de Yonkers, et Julia habite Yonkers. J'étais l'impresario de mon frère et je suis toujours dans le show business. J'ai acheté la maison au cours d'une des années les plus spectaculaires d'Arthur, une des toutes dernières avant que j'aie à faire face au commencement de la fin de mon frère. Arthur avait parlé d'acheter une maison à Istanbul. Il avait été là-bas plusieurs fois, soit pour travailler, soit pour se reposer, et il s'y plaisait. C'était une idée dingue que je n'encourageais pas plus que je ne la décourageais. Heureusement, il s'était mis en ménage avec Jimmy à ce moment-là, et Jimmy était d'accord avec moi. Ce citoyen américain particulier ne serait pas longtemps capable de garder sa liberté dans la ville principale d'un satellite américain avec des frontières à la fois sur la Grèce et la Russie pour n'en nommer que deux. Il y serait réduit à une mort solitaire, sa chanson s'éteindrait. Je me foutais complètement qu'Arthur achetait une maison à l'est de l'enfer, Tahiti ou trifouillait les oies. Mon rôle était de m'assurer qu'il avait le fric pour payer sa maison, il n'y habiterait jamais de toute façon, parce qu'il travaillait nom de Dieu assez dur pour gagner de quoi se payer n'importe quelle connerie dont il avait envie. Je m'entendis un jour crier un trouduc de producteur blanc qui me faisait d'un ton mielleux tout un plat à propos du problème que posait la vie privée de mon frère. S'il aime les garçons, alors achetez-lui-en une baignoire pleine, vous entendez? Achetez-lui-en une cargaison. Qu'est-ce que vous aimez, vous, bordel? Je n'oublierai jamais la gueule de ce mec. Il y a des gens qui vous regardent comme si vous aviez pété quand vous essayez de leur dire la vérité ou quand ils comprennent que vous venez d'exprimer exactement votre pensée. Et je me rappelle lui avoir dit, en simple justice à l'égard d'Arthur, « De toute manière, ce n'est pas exactement le problème de mon frère et ça ne l'était pas. » J'ai acheté cette maison en pensant à Arthur, elle était censée être l'endroit où Arthur pourrait toujours venir se réfugier. Mais il ne l'entendait pas ainsi, il refusait que son chagrin entamât ma vie ou menaçât celle de mes enfants. We'll be right back. Je dis c'est drôle comme nous n'en parlons jamais, mais ce n'est pas vrai. Rose ne peut pas en parler, personne ne peut en parler en réalité jusqu'à ce que moi je puisse en parler. J'ai été si occupé à protéger Arthur, à tenir la presse à distance, à courir la moitié de ce putain de globe. J'ai été si occupé à enterrer mon frère convenablement que je n'ai guère eu le temps de pleurer, encore moins de parler. He went through the road. had a dream I was under the ground. My friends and family were buried all around. And a worm took a bite of me, and then he washed it down with a bite of you. The same worms that eat me will someday eat you too. They're gonna eat you. Nibbled on your feet and they nibbled on my toes. They become the same when our bodies decompose. You'll turn into dirt someday, same dirt as me. Like one becomes a two and two becomes a three. The same worms that eat me will someday eat you too. Ruth entre dans la chambre. Elle est habillée et les talons de ses escarpins du dimanche cliquettent légèrement. Elle se penche sur moi. Elle porte son tailleur d'automne vert et un manteau gris clair. Elle est tête nue. Elle semble m'offrir en cadeau cette merveilleuse chevelure bouclée gris foncé. Elle s'est légèrement maquillée et parfumée. J'aime son odeur, j'aime son allure. Thank you. Il y a des choses au chaud dans le four, tu n'auras qu'à brancher la cafetière, le café est tout prêt. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Breach at South Street. Gas masks useless. Urge population to move into open spaces. Automobiles use routes 7, 23, 24. Avoid congested areas. Smoke now spreading over Raymond Boulevard.